The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To fly. Voler. Helicopter. L'hélicoptère. Unforgettable. Inoubliable. Impression. L'impression. To ask. Demander. Pilot. Le pilote. Either or. Soit, soit. Dead. Mort. Now, a bit faster. Impression. L'impression. Helicopter. L'hélicoptère. Dead. Mort. Impression. L'impression. Dead. Mort. Helicopter. L'hélicoptère. To fly. Voler. Unforgettable. Inoubliable. Dead. Mort. To fly. Voler. Pilot. Le pilote. Helicopter. L'hélicoptère. To ask. Demander. Pilot. Le pilote. To ask. Demander. To fly. Voler. Impression. L'impression. Now, use the words in context. Voler. I believe I can fly. Je crois que je peux voler. Inoubliable. It's an unforgettable memory. C'est un souvenir inoubliable. L'impression. I've got the impression that she is irritated. J'ai l'impression qu'elle est énervée. Demander. Ask the server for the menu. Demande le menu au serveur. Soit, soit. Either he is sad or he is sick. Soit il est triste, soit il est malade. Voler. I believe I can fly. Je crois que je peux voler. L'impression. I've got the impression that she is irritated. J'ai l'impression qu'elle est énervée. Demander. Ask the server for the menu. Demande le menu au serveur. Soit, soit. Either he is sad or he is sick. Soit il est triste, soit il est malade.